Grammaire. Le passé composé. Page 96. Activité 1. Écoutez et dites si le verbe est au présent ou au passé composé.